Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitzbé nous présente un autre phénomène dans le monde de la musique. Et on reçoit François Landry avec sa chronique politique. C'est assemblage requis, ça commence maintenant! Ah ouais! Bon matin, bienvenue à Sondage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. On est le jeudi 24 novembre 2011. Lui, c'est François Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi, ton ventre va bien? Je pète le feu. Moi, je vais faire une blague sur le fait que t'étais allé au trône... donner un discours. J'étais allé régner ce matin. Donner un discours à tes sujets royaux. Bon. Hey, merci, c'est le fun. Ça fait plaisir. Bon matin. Hey! Bon. Quand tu te réveilles, ça te réveille bien. Ben, c'est ça. Ben, hey. Puis en plus, c'est pas comme si on avait le temps de niaiser là, ce matin. Non, aujourd'hui, sérieusement, on est rempli d'un bout à l'autre. C'est fou, là. Comme ton ventre, finalement. Non, c'est fini. On arrête d'en parler. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on a. Il est plus rempli. Ah! Contrairement à l'émission, donc. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on va avoir Francis Arsenault en fin d'émission qui va, en fait, de première heure, qui va nous parler d'un événement qui s'appelle Lux Modal. C'est le Festival de musique silencieuse, 3e édition. Ça s'en vient, vers les 7h45. Avant ça, 7h30, François. À 7h30, on va parler à une dame qui se prénomme Sophie, qui va nous parler de l'exposition éducative de reptiles, une journée consacrée à l'herpétologie. L'herpétologie? Ouais. C'est pas la reptologie. L'herpétologie. Eh bien, j'aurais pensé autrement. L'herpétologie. Eh bien. En deuxième heure, ensuite, on aura les chroniques habituelles de Simon Fitzbé. La première, donc ça, c'est à 8h, sur un phénomène de la musique. J'ai pas encore son sujet. Non. Franchement, d'habitude, je l'ai à l'avance, pas aujourd'hui. Surprise. Je suis sûr que c'est quelque chose de vraiment fantastique, comme toujours. Et puis, à 8h30, en fin d'émission... François Landry nous parle de politique. Et sûrement va nous parler, en tout cas, je sais pas, sur ce sujet. Non, lui aussi, d'habitude, m'envoie son sujet à l'avance, mais cette semaine, personne ne l'a fait. D'après moi, on va nous parler de la coalition d'Avenir du Québec. Oui, je pense. Oui. Bon, on prédit des choses. Ouais, je pense. Aussi dans l'émission, la chronique CNX. Voilà. Pour l'instant, on débute avec un classique de Kevin Thompson. François, tu m'as rappelé que ça existait, ça, du Kevin Thompson. Ouais. En pensant que c'était une autre chanson. Ouais, c'est ça, je m'étais trompé de pièce, mais. Une pièce qui joue sur nos ondes assez fou. Il a dit, hey, je suis sûr que c'est Kevin Thompson. Non, c'était Lucien Midnight avec Major Tom. On l'écoutera peut-être plus tard dans l'émission, il faudrait se préparer ça. Mais pour l'instant, on écoute Kevin Thompson avec Attitude polaire, ta tronche. C'était très populaire, ça, en 2009, à l'époque d'Assemblage requis l'après-midi. Hein? Souvenir. Souvenir garanti. Et quel bon moment, l'après-midi. C'était tard, là. C'est fun! Ta tronche, ta tronche, ta tronche, Lucien Midnight avec la pièce Major Tom, Major Tom, à Assemblage Requis, sur CFOU 89 FM. Faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Ben oui, reprise de choses là, David Bowie, ça. David Bowie. On a entendu un catalepsie dans la plus récente émission de Simon Fitzbé, celle sur l'espace. Ouais. Bon, formidable. Voilà. Pour l'instant, c'est la chronique scénique, ça. François, aujourd'hui, on est pressé dans le temps, tu le sais. Donc, CNX va être courte et sans musique chiptune de jeux vidéo. Donc, tout pour te gagner et réussir à conquérir ton cœur, je pense. Ah, que t'es tendre. Mais merci. Et commençons avec Google, qui fait encore le ménage dans ses services. Quand l'entreprise décide de faire quelque chose, elle ne le fait pas à moitié. Après avoir annoncé la fermeture de Google Buzz et d'autres services, Google décide encore de faire le grand nettoyage. Sur son blog officiel, Google explique qu'il va fermer plusieurs de ses services qui ne rencontrent pas les succès espérés. Non. On parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Donc, commençons par Google Bookmark List, qui permettait de partager des signets entre des amis. Je comprends que ça marchait pas tant que ça. Ça va être le 19 décembre, la fermeture. Google Friend Connect disparaîtra le 1er mars 2012, service qui fait les frais de l'arrivée de Google+, puisqu'il permettait aux webmasters, aux MS, d'ajouter des fonctions sociales à leur site. Ensuite, Google Gears, qui ne sera plus disponible en téléchargement à compter du 1er décembre. Google avait annoncé il y a plusieurs mois l'arrêt imminent de cette extension de navigateur permettant d'utiliser des applications web hors ligne. C'était très bien fait. Tu pouvais cliquer sur le petit icône dans Gmail ou Google Reader et tu pouvais rester hors ligne et voir quand même tes courriels et tes nouvelles. C'était très bien fait. Ah, c'est bon. Cette fonction est désormais prise en charge à travers HTML5 et mise en œuvre sur Gmail, Agenda et Documents depuis le navigateur Chrome. Donc maintenant, c'est seulement ces trois produits-là, pas Google Reader et seulement sur Google Chrome et non sur Firefox. Donc, ils ont vraiment plus limité les fonctions. Google Search Timeline, fonction de recherche via une frise chronologique qui n'existe déjà plus. C'est déjà fermé. Les utilisateurs peuvent continuer à faire des recherches par date grâce à l'outil placé dans la colonne de gauche sur la page Google normale qui permet d'affiner les résultats d'une recherche en fonction de sa date d'indexation. Mais donc, c'est maintenant, tu peux classer par date dans Google normal, mais ça, c'était une genre de recherche chronologique où tu voyais vraiment plus visuellement ce que tu cherchais. Google Wave, qui ne sera plus que de l'histoire ancienne à partir du 30 avril. Le service passera. C'était le service de genre de chat, là, chat et partage de documents. C'est comme un outil de travail en équipe. OK. Mettons. C'est donc ce qu'on appelait le courriel du 21e siècle, selon Google. Mais ça n'a pas fonctionné. Pas vraiment. Et finalement, Knoll, K-N-O-L, on avait parlé déjà de ça dans CNX. C'était un genre de concurrent de Wikipédia qui va fermer progressivement ses portes entre le 1er mai et le 1er octobre 2012. Donc, beaucoup de fermetures de beaucoup de produits. Google qui peut-être se tentacule beaucoup dans des domaines. Ben, essaye au moins. Oui, c'est ça. Il y a assez des choses. Ça, on peut pas leur enlever exactement. Mais peut-être qu'ils mettent pas assez de soins dans ces produits-là, ou je sais pas si c'est la promotion qui marche moins bien, ou peut-être. C'est peut-être pas assez vu par les gens, parce qu'à un moment donné, quand tu vas sur la page de Google.com, même si tu te fais un compte et que tu vois les onglets en haut avec les sections qui sont là pour toi, si t'es même connecté à ton compte, tu vois web, images, vidéos, maps, news, nouvelles, Gmail et more, plus. Et là, quand tu déroules plus, t'as un paquet de produits que personne ne se sert. Ouais. Et ensuite, un encore plus en bas. Et là, t'as tous les produits de Google et t'en as des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, faut chercher pour trouver les produits Google pour soi. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Faudrait que ce soit en vedette sur la page d'accueil pour que ce soit vraiment utilisé. Bon. Parlons des produits qui s'en viennent au CES 2012. On parle d'ultra-portables. Les constructeurs des ordinateurs ultra-portables, ces machines très réactives et ultra-fines, seront de la partie lors du CES, le Consumer Electronics Show, la grosse foire d'électronique 2012, qui va se passer au début de l'année. À l'initiative du constructeur Intel, l'UltraBook vise le prochain CES pour mettre en avant de nombreux modèles, voire en lancer de nouveaux. Ce nouveau modèle d'ordinateur est avant tout destiné à ceux qui cherchent des ordinateurs peu encombrants, mais performants. 2012 devrait donc être l'année de l'ultra-portable. Acer, Asus, Lenovo et Toshiba ont d'ores et déjà commencé leur commercialisation. Samsung, Dell et HP vont se lancer dans le marché dans le courant de l'année prochaine et à n'en pas douter, ils présenteront leur modèle lors du prochain CES au début de janvier. C'est la meilleure opportunité pour eux au vu de la renommée du salon des articles de Branchez-vous. Un des points intéressants est le SSD qui est bien sûr super présent dans le type de machine ultra-portable. Ça, c'est des disques durs avec ton ordinateur allume presque instantanément, tes applications démarrent en un temps super, record. Ouais. C'est vraiment, une fois que t'es allé sur un SSD, t'as réussi à te pogner, c'est un deal, un rabais énorme sur des sites que je vous nommerai pas au complet, là, mais il y en a beaucoup, des sites pour trouver des gros rabais sur des SSD, vous ne reviendrez jamais en arrière. Non. C'est si incroyablement rapide que ça. C'est super d'avoir plusieurs applications, tu les ouvres, ta ta ta ta. T'as quoi, c'est rapide. Tcha-tcha! Intel pense que 40% de ses ventes proviendront des ultra-portables en 2012. Acer penche du côté des 25-30%, tandis que le marché mondial devrait être entre 20 et 30%, ce qui est quand même pas si mal. Des chercheurs de l'Université de Washington travaillent actuellement sur un prototype de lentille de contact permettant d'afficher des informations à destination de leur porteur par le biais de la réalité augmentée. De la réalité augmentée à l'intérieur d'un verre de contact. Après avoir une vision style Terminator sans avoir besoin de porter de lunettes serait peut-être bientôt une réalité, notamment grâce aux travaux effectués à l'Université de Washington par des chercheurs américains et finlandais. L'objectif est d'intégrer dans des lentilles de contact la technologie nécessaire pour afficher des informations sur de minuscules écrans transparents en réalité augmentée. Le prototype actuellement testé sur des lapins. Oui. Des lapins. Des lapins, ça les blesse pas, là. Ils ont juste des verres de contact. Là, c'est quand même pas pire. N'en est qu'à ses balbutiements et n'intègre pour l'instant qu'un seul pixel actif. Les chercheurs désirent ainsi déterminer quels sont les composants qu'il est possible d'intégrer aux lentilles, antennes, puces et autres circuits, sans gêner la vue et l'œil en général. Pour fonctionner, le prototype exploite les fréquences radio et une antenne de 5 mm de long imprimée sur la lentille. C'est pas génial, c'est malade ça. C'est... Non. Quand même. Hey! Ah, génial. Les chercheurs se montrent néanmoins réalistes et précisent que même si pour eux, un écran avec un seul pixel utilisable pourrait servir dans les domaines du jeu, de la formation ou encore donner des indications visuelles aux personnes malentendantes, il s'agit là d'un projet qui deviendra concret dans un avenir lointain. Hey, tu sais, imagine, mettons, tu portes des verres de contact, t'es malentendant, tu peux voir, mettons, des sous-titres, tu sais? Non, c'est hâte. C'est vraiment quelque chose. J'ai hâte de voir ça évoluer. François, tu vas être vraiment surpris par cette nouvelle. Les gens mentent davantage par courriel. Ah, je suis vraiment très surpris. Les gens ont davantage de propension à mentir lorsqu'ils envoient des courriels ou des messages instantanés, révèle une étude. Menée par un professeur de psychologie de la University of Massachusetts, Amherst, l'étude s'est basée sur des conversations de 15 minutes de 100 paires d'étudiants. Certains discutaient par courriel, d'autres par messagerie instantanée, d'autres encore en personne. Les chercheurs ont ensuite examiné les conversations pour trouver des incongruités. Ce sont dans les courriels qu'on retrouvait le plus de mensonges, suivis de la messagerie instantanée. Les gens avaient une tendance accrue à l'honnêteté lorsqu'ils communiquaient en personne. Et je cite, « Les résultats indiquent que l'Internet permet aux gens de se sentir plus libres, psychologiquement parlant, d'utiliser la tromperie, du moins lorsqu'ils rencontrent des nouvelles personnes. » C'est le professeur de psychologie Robert S. Feldman qui a mené l'étude. Il s'intéresse particulièrement aux mensonges dans le cadre de ses recherches et est l'auteur du livre « The Liar in Your Life ». Intriguant. Mais ça, tu peux le voir aussi, là, juste sur Facebook. Là. Ouais, ben, c'est ça. C'est, ça. Hein? C'est relativement simple. Là. Sur IRC dans le temps, puis... Non, mais ça a toujours été et ça restera toujours. Là. Exactement. C'est... Les gens se disent, pourquoi dire la vérité si je peux me rendre plus intéressant? T'sais? Ben, c'est ça, t'essaies d'être pimpé. Et voilà. parlons d'Apple un petit peu, là, des jeux sur abonnement bientôt sur l'App Store d'Apple. Vous pouvez consulter la presse numérique déjà sur abonnement avec votre iPhone ou encore sur votre iPad. Voilà que bientôt vous allez pouvoir vous lancer dans les jeux sur abonnement. La firme de Cupertino a déjà mis en place un partenariat avec l'éditeur de jeux Big Fish Games pour proposer des applications avec abonnement mensuel sur la tablette d'Apple. Bloomberg explique ainsi que Big Fish Games a réussi à faire valider par Apple la mise en place d'un abonnement mensuel, mais attention, il ne s'agit pas ici de payer chaque mois pour un jeu, non, mais bien d'avoir accès à un catalogue d'applications pour 5$ dans un premier temps, puis 7$ par mois. Le joueur peut télécharger toutes les applications concernées s'il le souhaite, mais hors abonnement, ces applications seront payantes à l'unité. Le fondateur de la compagnie de jeux a déclaré que cette démarche était comme un buffet à volonté, un peu comme Netflix ou Spotify. Tu t'inscris pour Netflix, tu as le nombre de films que tu veux, un à la fois ou deux à la fois, t'en as d'autres. Bon, c'est un peu le même principe. Ça fonctionne pas encore au Canada. Non, je crois pas que ce soit au Canada encore. Ça me surprendrait bien gros. Y a une version gratuite, nous dit-on, sur l'App Store, mais cette offre va limiter l'utilisation des applications à 30 minutes par jour et il y aura de la publicité. Bien sûr, ce modèle économique n'est pas sans rappeler celui que propose déjà Apple aux éditeurs de presse, notamment avec The Daily, le célèbre journal seulement sur iPad. Mais y a un mais là-dedans. Les 30% de commission que se réserve Apple ne plaisent définitivement pas à la presse qui chiale. Et qui ne veut pas proposer ce type d'abonnement pour la tablette. 30%, c'est ce que va se mettre dans la poche Apple pour chaque abonnement de Big Fish Games vendu aussi. Donc, c'est 30% sur tout avec Apple. Sur tout. Ah. Ouais. Le service devrait être lancé d'ici quelques semaines. On parle évidemment des États-Unis. On verra pour le Canada ensuite. Deux dernières nouvelles de jeux vidéo. Montréal aura un festival de jeux vidéo signé Juste pour rire. Oh, ouais? Oui, le groupe Juste pour rire a annoncé qu'il tiendra son propre festival du jeu vidéo. La prolifique institution s'est ainsi alliée avec le Palais des congrès de Montréal afin de tenir cette foire qui ciblera le grand public, dit cet article de hardgamers.com. Le groupe Juste pour rire désire ainsi combler un vide dans l'industrie du jeu vidéo montréalaise en organisant un événement qui sera ouvert au public. Les organisateurs ont d'ailleurs comparé le projet à des salons similaires se tenant dans plusieurs villes du monde, dont Boston, Tokyo et Cologne. Bien entendu, on ne vise pas à attirer autant de personnes que dans ces villes où l'achalandage fracasse parfois les centaines de milliers de participants, mais on tentera tout de même d'en faire un incontournable pour les joueurs en proposant des expositions et des concours entre fans de jeux vidéo. La tenue d'un tel événement a déjà suscité des réactions, notamment chez Alliance Numérique qui se charge du sommet international du jeu vidéo de Montréal. Si ce dernier ne vise pas le grand public et que les deux expositions seront ainsi complémentaires, il n'en demeure pas moins que ce seront les mêmes compagnies qui vont payer pour être aux deux endroits, ce qui pourrait faire mal à l'un ou à l'autre des salons. Marie-Annick Boisvert, qui a chapeauté l'organisation du festival Arcadia en 2005 et 2006, s'est aussi montrée sceptique envers la tenue de ce nouveau festival, même si le groupe Juste pour rire part avec une longueur d'avance et qu'elle pourra, au contraire d'Arcadia, dénicher des commanditaires solides et fort intéressants. Madame Boisvert s'est montrée peu enthousiaste quant à l'intérêt des studios à participer à un tel événement, puisque ce dernier se tiendra l'été. Tu vois, je trouve que c'est bien l'été, moi. Oh, ouais. Le 3 aux États-Unis, c'est l'été. Hein? Voilà. Version préliminaire du festival qui va être proposée lors de l'été 2012, une genre de bêta. La première édition de ce nouveau salon sera quant à elle mise en branle lors de l'été 2013. Hein? Ils veulent pas faire de première édition, ils veulent faire un test. Hein? Tu sais, c'est pas grave si la première édition est un petit peu moins bonne que la deuxième. Ah non, c'est sûr, c'est normal. Ben oui, pas obligé d'appeler ça l'édition 0, genre moins 1, ouais. Elle existe pas vraiment, faites comme si on n'était pas là. T'sais. Je trouve ça bizarre. Hein? Et en bref, EB Games Canada qui a l'intention de mélanger les jeux neufs et usagés. Selon deux employés d'EB Games Canada qui ont contacté Kotaku, le site américain de jeux vidéo, le détaillant aurait l'intention de mélanger les jeux neufs et les jeux usagés sur ses tablettes. En ce moment, si vous entrez dans une boutique EB Games, là, ça c'est GameStop aux États-Unis, mais EB Games au Canada, les jeux neufs et usagés sont séparés. Il y a des pancartes jaunes entre des jeux usagés. Bon. Ouais. De plus, les jeux usagés ont un collant jaune pour indiquer leur prix, alors que les collants des jeux neufs et blancs, cette distinction serait aussi retirée, donc il n'y aurait comme plus de différence vraiment. Finalement, un des employés affirme que les jeux neufs seront cachés par les jeux usagés sur les tablettes. Donc, genre, si t'arrives dans le magasin, tous les jeux vont se ressembler, les jeux usagés vont être devant, mais tu sauras comme pas parce que c'est pas écrit. Puis, si tu veux un jeu neuf, il va falloir que tu regardes, genre, si la couverture est scratchée, puis il va être en arrière de la... Non, hein? C'est bizarre. Je veux choisir, tu sais. Ben oui. Moi, la raison que des fois, je vais chez EB Games, et sans vouloir faire de pub, c'est que, tu sais, j'ai une petite carte de rabais, tu sais. Puis les petits rabais s'appliquent juste les jeux usagés. C'est important de savoir c'est quoi un jeu usagé. Tu sais, si t'as plus de rabais sur ça, c'est quoi la raison? Ouais. Moi, quand j'achète un jeu à un plein prix, vends-moi le neuf parce que je veux le briser moi-même, tu sais. Ben, idéalement, ouais. Idéalement, j'aime pas savoir de quoi te briser à l'avance. Je sais bien qu'il y a peut-être un genre de surveillance de la qualité des produits, mais non, je ne fais pas confiance à EB Games et aux grosses compagnies comme ça. C'est le même. Hein? C'est le même. Troisième employé d'EB Games a écrit à Kotaku pour indiquer que les affirmations sont fausses, mais ce sera une histoire à suivre. S'il y a déjà deux personnes qui en parlent indépendamment, c'est qu'il y a des choses qui se disent. Peut-être qu'ils vont faire leur focus groups là-dessus pour voir que c'est une mauvaise idée. Ou voir si les gens s'en rendent compte et si les jeux fonctionnent bien, ben il n'y a pas de problème. On peut leur vendre 60$ un jeu qui en vaut 30 parce qu'il est ouvert. T'sais. Ah, c'est niaiseux. Là. Mais bon. Voilà pour la chronique CNX. On s'en va écouter une petite pièce de Lovely Feathers, pourquoi pas. Yay! Yay! On s'en va entendre Ossified Homes. Ah, c'est fou! 89 FM. Fortress, find a prince and angle in the fortress. I'm in the crane and my arms are rusty, rusty. But I am, and I'm searching for my desires. I had a fusion. Find a stamp and burn it in a lantern. Find a stamp and burn it in a lantern. I'm in the crane and my arms are rusty, rusty. Aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, assemblage requis. 7h29 en ce jeudi matin 24 novembre. Tantôt, on va parler avec, tu disais, Madame Reptile? Oui, Madame Reptile, Sophie de son prénom. Parfait. Sophie, Bonjour Sophie, on va t'appeler bientôt. Tantôt, ah, attends, nous, ce sera pas bubble. Alors, on écoute MGMZ, voici Electric Feel. MGMT Electric Feel, assemblage requis sur l'album Oracular Spectacular. Oracular Spectacular. Ça ressemble à Monster Spectacular. Ouais, je me sens comme un cowboy quand je dis ça. Oh ouais. Oracular Spectacular. Eh bien, c'est bon, hein, ça met de bonne humeur ce matin. Là. Ouais, exact. Et en parlant de bonne humeur, il y a une dame qui va nous mettre la bonne humeur. Ah. Oui, c'est Sophie qui est organisatrice pour l'exposition de reptiles qui se tiendra le samedi 26 novembre de 10h à 17h au Collège La Flèche. Bon matin, Sophie. Bon matin. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Formidable. Donc, Sophie, en fait, c'est quoi l'exposition? Dans le fond, pour faire un résumé, l'exposition, ça se trouve à être, mettons, je vais essayer de mettre ça simple, c'est dans le fond une exposition de reptiles okay. avec les vrais animaux vivants. Okay. C'est éducatif, c'est familial et je pourrais même dire que c'est provincial, dans le sens où on va être une vingtaine d'exposants qui vont être sur place. Puis à part nous qui faisons partie de Monsieur Reptile, les autres exposants viennent de partout au Québec. OK. Fait que c'est vraiment des spécialistes dans leur domaine ou des organismes vraiment axés sur l'herpétologie, qui est dans le fond la science des reptiles et des amphibiens. OK. Je sais pas, je peux peut-être vous donner quelques noms des exposants. Oui, c'est ça, exactement. C'était ma prochaine question. Oui, dans le fond, parmi les organisateurs... Excuse-moi, je me perds dans mes mots. Parmi les exposants qui vont être là, il y a des organismes comme le MRNF, dans le fond, qui est le ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec. OK. Il va y avoir la FPA Mauricie. OK. Il va y avoir Mouvement Vert. Je sais pas si vous les connaissez. C'est des gens qui font de l'étude sur la tortue des bois ici à Shawinigan. OK. Il va y avoir l'Association herpétologique de Montréal. Il va y avoir aussi celle de Québec. Il va y avoir des gens aussi qui ressemblent un peu... qui font le même genre d'intervention que nous quand on va dans les écoles, dans les festivals. Je peux vous donner peut-être quelques noms parce qu'on est quand même une vingtaine. Là. OK. Donc, si je pense à Reptizone, si je pense à Repticlip aussi, ben oui, en fait, j'appelle lui peut-être même le moment en premier. il organise avec nous autres l'événement. C'est un forum qui est situé au Québec. C'est le plus gros qui parle sur les reptiles, c'est en français. OK. Les autres sont très, très actifs aussi au niveau de l'herpétologie. Fait que finalement, on va avoir comme plein de beaux mondes pour accueillir les visiteurs. Il va même y avoir un coin pour les enfants, dans le fond, qui puissent venir voir de près les reptiles, même leur toucher. Leur toucher? C'est pas tout le temps évident de pouvoir satisfaire la curiosité des jeunes là-dessus, mais c'est toujours ça qu'ils demandent. Fait que nous autres, on va leur permettre de pouvoir le faire. Ils vont pouvoir se faire prendre en photo aussi, non? Oui, il va y avoir un coin photo aussi pour un souvenir avec Mongo, qui est un python de Birmanie de 12 pieds qui est jaune. Wow! Oui, il est très impressionnant. Puis dans ce genre de bestioles-là aussi, vous devriez trouver sur place Anaconda, des serpents géants. Il va y en avoir quelques-uns. Puis il va même y avoir des crocodiliens. OK. Et pour les gens, en fait, là, qui s'intéressent à ça, est-ce que ça va être une chance pour eux, en fait, de pouvoir peut-être en acheter, se faire des contacts? Parce que c'est pas des animaux, en fait, qu'on peut trouver non plus partout, là. Bien, c'est sûr que pour des contacts, pour des renseignements, c'est vraiment la place. Okay. En fait, la journée va fonctionner un peu comme un zoo d'une journée. Fait que c'est, on se promène, on visite, on pose des questions, on intervient, on se renseigne à fond. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être sur place, qui font l'élevage, c'est vraiment des sommités, puis ils sont pros dans leur domaine, ils peuvent vous conseiller. Mais sur place, il n'y aura pas de vente même. Mais c'est sûr que si les gens ont des questions précises, il y a des gens pour y répondre. OK. OK. Et là, en fait, on a parlé de tortues. Là, on vient de parler de serpents. Il va-tu avoir d'autres... Les animaux qu'il y a derrière toi en ce moment? Oui, on entend, je sais pas quoi. On entend un aquarium. Ah, OK. C'est parce que moi, ici, dans le fond, au zoo, j'ai beaucoup d'animaux... On a au-dessus de 250 animaux, fait que oui, peu importe où je suis, on entend du bruit de... Non, mais c'est bien, ça fait comme si, comme s'il y avait un fond, comme si on avait prévu un fond juste pour toi avec des animaux en arrière. Ah, oh, OK! J'aime ça. C'est bon. J'ai perdu ce que je voulais dire. Non, ouais, hein? J'ai perdu ce que je voulais dire. En fait, ben c'est ça, toi, tu parles, tu as un zoo, donc oui. en fait, tu travailles pour Monsieur Reptile. OK, c'est quoi, Monsieur Reptile? C'est un zoo, ça se trouve ici, à Trois-Rivières? Oui, Monsieur Reptile, on est situé à Trois-Rivières. OK. Je vous explique un peu pour que vous compreniez c'est quoi, parce que je comprends que quand on n'a pas ce pignon sur rue, c'est pas évident des fois de visualiser. Ben moi, j'avais jamais entendu parler. Monsieur Reptile, dans le fond, ça fait déjà presque 20 ans qu'il est actif. Ça va faire quelques mois que c'est officiellement démarré à temps plein, parce qu'avant, ça c'était ouvert, mais à temps partiel. Puis là, dans le fond, depuis notre ouverture officielle, nous, dans le fond, la façon qu'on fonctionne, on est un zoo spécialisé en herpétologie, donc la science qui étudie les reptiles et les amphibiens. Nous, de la façon qu'on va fonctionner, quand il y a un événement, un festival, une organisation, peu importe l'événement à quoi vous pensez, quand les gens nous approchent, qui se demandent à faire avec nous, nous, on va se déplacer pour aller participer à leurs activités. Donc, notre local n'est pas ouvert au public, je dis bien pour l'instant. Okay. C'est nous qui sort. OK. Parce qu'on a ce genre de service-là. On fait aussi de la formation dans les écoles pour les gens qui s'en vont en technique de santé animale. Okay. Parce qu'il y a des cours sur les animaux exotiques. Mathieu, mon conjoint, va se déplacer pour donner ce genre de formation-là. On va aussi faire de l'animation dans les écoles. Ça, les jeunes aiment bien ça. On se présente avec des reptiles. C'est vraiment toujours éducatif. Donc, c'est pas juste de jouer avec les animaux. On les regarde et on apprend beaucoup sur eux autres. Puis on donne aussi à l'occasion des conférences. OK. Et vous avez dit que c'était pas ouvert au public pour l'instant. Est-ce que éventuellement c'est une chose qui est possible? C'est sûr que nous autres, c'est dans nos développements. On aimerait vraiment beaucoup pouvoir accueillir le public dans nos locaux pour qu'ils puissent profiter toute la variété d'animaux, dans le fond, que nous avons ici. Parce qu'en consort, c'est évident que c'est impossible de tout traîner. Et totalement, parce qu'on ben en oui. a un grand nombre et qu'il y en a des fois aussi que par le poids, sont trop imposants à traîner. OK. Et là, on parlait quoi? De 200, 250 espèces? Oui. Oui? OK. Oui, puis on a déjà même eu jusqu'à 600. Là, maintenant, on a réduit pour justement l'espace. Et vu qu'on travaille avec d'autres organismes, il y a des animaux qui ont été placés. Mais c'est vraiment... on en a. Puis comme on fait des... comment je peux dire? On est mandaté par la SPA et par la Sécurité publique de Trois-Rivières. Donc, ça va arriver à l'occasion qu'on va en recueillir ici. Donc, c'est pour ça, des fois, on a toujours au moins 250, mais le chiffre va varier beaucoup. Là. OK. OK. C'est quoi l'espèce que vous aviez trouvée, en fait, là, qui était le plus, excusez-moi l'expression, mais bizarre ici, mettons, à Trois-Rivières? Rare, mettons. Ouais, rare. Qu'on aurait trouvé. Ouais. Ben, tu sais que, je sais pas, la Sécurité publique vous appelle ou la SPA? Je dirais peut-être pas bizarre. Ce qui m'a surpris le plus, mettons, dans nos ouais. acquisitions, c'est qu'ici, en ce moment, on a à peu près 80 tortues à oreilles rouges. 80 tortues à oreilles rouges? Oui, on n'en okay. a acheté aucune. C'est des gens, dans le fond, qui achetaient en animalerie tout petit. Okay. Puis au bout de 2 ans, les gens, on dirait qu'ils... Comment je peux dire? Ça grossit. Faut que tu t'en occupes. Puis on dirait qu'ils la délaissent parce que les reptiles, c'est pas comme les mammifères. C'est pas quelque chose qui va s'attacher à toi. Non, c'est ça, hein, c'est... Donc, des fois, de ce que je semble comprendre, c'est que les gens, des fois, au bout de 2 ans, ils vont se lasser de leur reptile. Ouais. Sauf qu'une tortue, ça vit en moyenne 15 ans. Et? Donc, toutes les petites bébés tortues pognent le 2-3 ans. Nous, on les reçoit ici, ils sont déjà assez grosses. Puis, sérieusement, on en a beaucoup. Okay. C'est mon fait vraiment le plus marquant, je pense, par rapport au refuge, c'est qu'il pleut des tortues oreilles rouges ici. Des fois, il pleut des grenouilles, là, il pleut des tortues. Oui. En Mauricie, en tout cas, il pleut des tortues. Oui. OK, formidable. Écoute, on va rappeler l'exposition. Ça se déroule quand? C'est où? C'est ce week-end. C'est samedi à compter de 10h jusqu'à 17h. C'est au Collège La Flèche, qui est tout près de la piste de course ici à Trois-Rivières. À tous les heures, il y a des conférences. L'horaire est disponible aussi sur le Facebook de M. Reptile. Si vous voulez de l'info, d'ailleurs, sur M. Reptile, vous pouvez aller sur son Facebook. OK. Dans le fond, on vous attend en grand nombre. Pour les entrées, à titre d'information, une entrée générale, c'est 8 $. L'entrée pour les 12 ans et moins, c'est 5 $. Et les plus petits, 5 ans et moins, c'est nos invités. Eux ne payent pas pour avoir accès au site. OK. Ah, formidable. Formidable. Et on peut voir encore là beaucoup de tortues à oreilles rouges, j'imagine? Ben, c'est sûr qu'on ne va pas en amener beaucoup, mais il va y avoir des tortues sur place, c'est sûr. Il va y avoir vraiment de tous les genres de reptiles. Même, je crois qu'il y a un kiosque, si je ne me trompe pas, qui va avoir des insectes. OK. Fait que c'est aussi intéressant à visiter. OK, formidable. Et puis, fantastique. En fait, on le rappelle, samedi le 26 novembre, c'est ce samedi, au Collège de la Flèche, de 10h à 17h. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter le Facebook de Monsieur Reptile. Hey, merci beaucoup, Sophie. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Très agréable. S'il y a d'autres choses, en fait, gênez-vous pas. Ben, ça va me faire plaisir. Génial. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. C'est toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Dans quelques minutes, on va parler avec Francis Arsenault de l'événement Luxe Modal, festival de musique silencieuse 3. Ça m'intrigue. Oui, ben, ça intrigue tout le monde, c'est ça qu'on en parle. C'est ça l'idée de l'avoir à pleine main. On écoute pour l'instant un nouvel extrait de Carquois. Carquois qui a une nouvelle pièce pour le film québécois La peur de l'eau, qui va paraître en janvier 2012. C'est une pièce exclusive. C'est en vente sur iTunes en ce moment et on l'écoute. Assemblage Requis sur C'est fou. partir seul, me perdre dans tes yeux boussole, et dériver jusqu'au petit matin falaise. Ouais, la pièce La Vague perdue sur la trame sonore, ou du moins dans le film La Part de l'eau, qui va apparaître en janvier 2012. Je vous rappelle que la pièce est en vente exclusive sur iTunes en ce moment, si ça vous intéresse de l'acheter. Tout cela acheté. Moi, je l'ai fait jouer à la radio. Donc, évidemment, oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Non, mais c'est à la radio. On est à la radio où on se fait envoyer des pièces. Hein. C'est parfait. C'est ça. On aime ça. Donc, Carquois. Maintenant, on reçoit Francis Arsenault. Oui, bonjour, Francis Arsenault. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Bon matin. Bonjour, François. Ça va bien? Bon matin à vous, oui. Très bien. Très bien de te recevoir. Moi, j'ai un paquet de questions. Ouais. Caroline, commençons. On va parler de l'événement Lux Modal, le Festival de musique silencieuse. Trois. Oui, parce qu'il y en a eu deux autres avant. Troisième édition. Oui, c'est sporadique. Il y en a eu en 2005. C'était où, ça? Je m'en souviens même plus. Tellement dans un atelier de peinture d'artistes sur des forges dans le centre-ville. Puis après ça, on a fait ça à l'appart. OK. Là, cette fois-ci, on fait ça au Centre culturel Pauline Julien, qui est au Cap de la Madeleine. Demain soir à 20h. Très bientôt. Donc, Lux Modal, on pourrait dire que c'est un dérivé du Festival de musique universelle. Ouais, ben là, c'est le Festival de musique silencieuse. Puis luxe modal, c'est plus le thème que Alain Florent m'a imposé. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Luxe, en fait, en latin, c'est lumière. OK. Puis modal, c'est une musique... dans le monde de musique, c'est utilisé un autre mode que le majeur et le mineur. Moi, je suis pas musicien, fait que ceux qui sont musiciens peuvent le savoir. Mais en fait, de grands gros mots, c'est de faire de la lumière sur une autre sorte de musique. Sur autre chose. Ouais. Mais c'est ça, d'où le nom. En fait, la question me vient du nom. Festival de musique silencieuse. Pour moi, on dirait que ouais. ça se peut comme pas. Il y a un compositeur américain qui est décédé, qui s'appelle John Cage. Puis dans les années 40, il faisait du piano préparé. Il désaccordait le piano. Il cognait sur le piano, il jouait sur les cordes. OK. Il s'est inspiré. Avec un marteau. Toutes sortes d'objets, des cordes, des chaînes, des petites chaînes. Okay. Là, c'était pas agressif. Il faisait de la musique pour des la danse moderne. Puis éventuellement, il a découvert le zen. Il a trippé ben raide là-dessus. Puis toutes ses musiques étaient basées là-dessus. Puis là, il a fait une toune qui s'appelait 4 minutes 33. Puis c'était du silence. En spectacle, il s'assisait devant son piano, mais il en jouait pas. Puis c'était pour faire comprendre que le silence, ça n'existe pas. Il y a toujours une mouche qui passe, une chaise qui craque. Au pire, tu t'entends respirer. Mm-hmm. C'est là le thème aussi de l'événement qu'on fait, c'est de se ressourcer. C'est pas de la méditation, là. On n'est pas loin de ça. C'est vraiment une musique qu'on joue avec l'environnement sonore, le moment présent, comment on part avec les silences, on rajoute des notes tranquillement. Comme on est un trio cette fois-ci, c'est de band called Fly Like an Eagle to the Sea Like You Never Do Before. C'est le nom de band qu'on aime dire, c'est ça qui est ouais, quand même long. C'est hein? un projet loufoque. Ouais. On s'amuse beaucoup sur ce nom-là. En fait, on rit de Show FM, grosso modo. On fait du rock. Mon band à moi, c'est ça. on fait toutes sortes de musiques. On approche beaucoup la musique contemporaine cette fois-ci. Mais les musiciens, c'est Karine Roberge, elle joue de la contrebasse et elle joue de l'accordéon. Il y a Luc Boissonneau, guitare électrique, puis moi aux tables tournantes. Puis j'ai 4 tables tournantes, puis je mets juste de l'environnement sonore, fait que de la nature, là, des oiseaux, des baleines, du vent, une tempête de neige. On est quasiment dedans. Là. Okay, ouais. On l'a vécu hier. De la pluie, un feu qui crépite, un bateau qui flotte dans l'eau, etc. Puis c'est un melting pot de tout ça. Okay. Avec du visuel qu'Alain Florent, il suspend des lits au plafond. Qui m'avait dit. Des cordes de lui, c'est surprise visuelle. Okay. Mais c'est ça, disant pas trop non plus. Là, on veut que les gens aillent voir aussi. Mais c'est ça, si je comprends bien, en fait, c'est que ça part vraiment tranquillement, voire même du silence. Mais tu sais, comme tu disais, en fait, il y en a pas, ça existe pas vraiment. Le silence, ouais. Mais après ça, en fait, il y a des notes qui se rajoutent et ainsi de suite, jusqu'à la fin, ça doit plus être de silence du tout, là. On a un pic dans le milieu, c'est sûr que ça lève puis ça descend. On va finir à peu près comme on commence, mais c'est vraiment... on met des coussins à terre, puis l'endroit... Les gens peuvent se coucher. Oui, ils peuvent se coucher, ils peuvent s'asseoir à leur guise. Puis il y a 3 professeurs de yoga aussi. On est 3 musiciens, 3 yogis, fait que c'est vraiment la trilogie. Là. Okay. Mais exemple que pour moi qui ne fais pas de yoga, j'ai aucune connaissance là-dedans, et puis je peux y aller quand même. Absolument, t'es pas obligé de faire du yoga, là, mais pas en tout, c'est juste pour un aspect visuel qui est intéressant, parce que c'est des corps en mouvement. Okay. Moi, je trouve ça bien intéressant, qu'ils vont être éclairés un peu. L'endroit, il va être sombre, là. En plus, c'est cool parce qu'il y a une exposition qui brille dans l'obscurité, fluorescente, de Marie Aymon, qui est de Québec. OK. Ça va être sur les murs? Ouais. Il y a déjà là l'exposition, en fait. Là, mais là, c'est le jour qu'on va visiter ça d'habitude. Mais là, le soir, on peut les voir. Là, ça va être sympathique. Ça va être parfait pour les gens qui sont allés de la musique des fêtes au centre commercial, mettons. T'sais. Stressés par ça. C'est tout le contraire de ça. C'est stressant à ce moment-ci de l'année. Fait que tu veux relaxer un petit peu, tu vas là. C'est vrai, yoga, bonne musique, ça pourrait être une très bonne idée. Puis comme je dis, c'est pas de la méditation nécessairement, mais ça peut être apte à ça. C'est vraiment une musique pour se centrer sur soi-même, pour relaxer. Il y en a qui disent « Ah, je suis fatigué, vendredi, ça me tente pas, allez-y, parce qu'après ça, vous allez péter le feu. » C'est clair. Ou l'automne en général aussi. Oui, qu'on a une période plus creuse. Plus dense à cause que le soleil est moins là. Puis Alain Florent, lui, c'est un artiste assez réputé ici. Là. Il fait des affaires assez éclatées. Lui qui est plus au niveau des arts visuels. Ouais, c'est ça. C'est lui qui s'occupe du visuel. Puis c'est toujours une grande surprise avec lui. Puis lui, il arrive là de bonne heure le matin. Fait qu'il y en a long à préparer. Okay. Je sais pas que ça va être. Ça va être surprenant, c'est sûr. Surprise. Surprise, party. Les lumières vont être fermées. Après, ils vont ouvrir ça. Ils vont faire surprise. Bon. Yes. Ça va être super la fin. Et c'est donc le Festival de musique silencieuse 3. Oui. Sous le thème Luxe Modal. Oui. Et ça a lieu demain, vendredi soir. C'est au Centre culturel Pauline Julien. Qui est au 150 rue Fusée. Parfait. 20 heures. Donc. 20 heures. Merci beaucoup. Merci, Francis Arsenault. Salut. Formidable. Plaisir. Tu as autre chose? Oui, n'importe quand. Festival Musique Universelle. N'importe quand aussi. Ça revient, ça? Ouais. Ben, avant, c'était 4 par année au début. Ouais. On est rendu à 1 par année. Le prochain, c'est en septembre 2012. On vient juste de le passer. Parfait. Super. Donc, à l'année prochaine, on avance. On va se revoir avant. Ah, avant ça, c'est sûr. En février, on fait un autre shot à Maison de la Culture, okay. Duo DJ. OK. OK. Donc, février. Ouais. Ça va être quoi un peu, ça? Ah, là, on est un work in progress. OK, OK. Okay. Vous avez une émission hip-hop, ici. On va aller chercher eux autres. On aimerait bien ça qui participe. OK. Puis, moi, je suis plus de la construction sonore. Là. C'est plus du découpage de disques puis du collage de son. Du, okay. Du son à partir de la table tournante. C'est une approche très différente qu'un DJ. Mm-hmm. Ça, jumeler les deux. Ouais, ou ça aussi. Puis Alain, il aime bien ça jouer de la guitare. Il va peut-être fixer okay. ça là-dedans aussi. Cool! Que le projet. Francis Arsenault, merci encore. Formidable, merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On s'écoute une pièce de Dan Mangan à l'instant. Voici Post-War Blues. Et plus tard, Simon Fédibé avec sa chronique Phénomène. Let's start a war for the kids. A purpose for which to unite. Make them some words they can mend. What they don't know, they won't mind. Find them a foe for the fight. And stories to tell as they age. Then maybe time will decide which ones keep and which ones fade. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Oh, this is post-war blues. In sight, make me insightful again. But I can't see, I can't fight. Make me a fire to burn. Burn all the letters I wrote. Write me a list of concerns. If we are at peace, if we are at peace, I wanna know. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Oh, Post-War Blues de Dan Mengen. Assemblage requis, c'est la fin de la première heure. Deux jours! Oui! On va passer vite. Ben, c'est certain, des invités comme ça, de ben, qualité. Ben, OK. Voilà. Tout à l'heure, en début de deuxième heure, Simon Fitzbé s'en vient et il va nous parler de Freddie Mercury et Queen en deux parties parce que c'est le 20e anniversaire du décès de Freddie Mercury aujourd'hui même, le jeudi 24 novembre. Parfait, parfait. Et François Landry nous parle de politique. Que tu sois mort, François. Ben, tout le monde y passe, Mathieu. Toi aussi, tu vas y passer. Ouais. Fais-toi l'idée. Mais ce sera pas parfait. Ben, non, mais c'est peut-être dans mon cas, excuse-moi. Non, arrête donc. C'est le cours de la vie, écoute. C'est le cercle de la vie. On peut rien y faire. Ouais. On peut rien y faire. S'il y a une chose qu'on peut pas échapper. Il y en a qui échappent à la puberté, mais tu peux pas échapper à la mort. Hey, t'es lugubre, mais arrête de parler de mort à l'adolescence, voyons donc. Donc, Simon fait avec. Freddie Mercury tantôt, et après ça, la chronique le Logo Classique 101 sur la politique avec François Landry. Mais pour l'instant, on s'écoute un Info Campus. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François, arrête de parler dans mon micro. François, il est en arrière de moi, puis il fait des simagrées dans mon micro. Là. Tu parles d'une affaire, il est là, puis il est dans mon cou, puis il me respecte ça dans le cou. Retourne t'asseoir. Invente pas des affaires. Retourne t'asseoir. Petit gars. Appelle-moi pas de même. Ouais, je m'excuse. Grand garçon, s'il vous plaît. Deuxième heure de l'Assemblage de Requiem, ce jeudi 24 novembre 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Ouais, je sais. Moi, c'est Mathieu Plante. Oh, oui. Hey, ça en forme? Ben oui, et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Deuxième heure commence à merveille avec Simon Fitzbé tout à l'heure et sa collègue François sur Landry. Freddie Mercury. Oui, François Landry aussi s'en vient. Oui. C'est une belle deuxième heure, une belle dernière heure de cette semaine du 21 novembre 2011. Ah non, on n'est pas le 21, on est le 24. Semaine là. Du 21 novembre 2011. Ah, ok. Mais semaine excuse. Du 21 ouais. novembre, laisse donc faire. Voici Paul et quoi dire? C'est faux. Je vois rien d'autre. Polype et la pièce Quoi dire sur l'album Tropique du cancer, un album que j'adore du début à la fin. J'adore vraiment Polype, je trouve ça tellement bon, François, là, tellement bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça arrête plus d'être bon. Ça arrête plus. Ça arrête plus d'être bon, puis ça arrête plus d'avoir du bon contenu, cette émission-là, je trouve, moi. Ah ouais? Moi, c'est tanné du bon contenu. Bon. Non, c'est vrai. Voici Simon Fitzbé et sa chronique Phénomène. Bonjour Simon Fitzbé. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour, bon matin. Bonjour François-Olivier Marchand. Bon matin messieurs. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Oui merci. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, aujourd'hui on parle d'un événement triste quand même un petit peu, mais on va s'en rappeler de lui, se rappeler de lui en bien, donc ça va être heureux quand même. Très longtemps. Oui, effectivement. Ouais. On va s'en rappeler encore pour très longtemps, ouais. Oui, parce qu'il y a 20 ans aujourd'hui, est disparu un des grands chanteurs que le monde du rock ait connu. Avec sa voix angélique et sa présence flamboyante, il a marqué l'histoire de la musique à tout jamais. Cet homme a vécu une vie incroyable en menant donc un des groupes glam les plus populaires de la planète. Il s'agit bien sûr d'une légende, mieux encore d'un dieu du rock. Cette semaine, nous nous rappelons d'un des chanteurs, dis-je, les plus charismatiques ayant connu une fin des plus tragiques. Il s'agit bien sûr de Freddie Mercury. Yeah! Yeah! Les chiens arrivent de partout parce que seulement eux peuvent entendre des notes aussi. Ouais, c'est ça, les ultrasons, effectivement. Ouais. Freddie Mercury, qui est né sous le nom de Farrokh Bulsara. Moins vendeur, un peu. Hein. Ouais, moins vendeur. En fait, il vient de Zanzibar, donc c'est normal. Qu'il... C'est pas une barre au chocolat, ça, une Zanzibar? Non, non. C'était pas un bar, Trois-Rivières, le Zanzibar? Ouais, ouais, il y a déjà eu un bar qui s'appelait de même, je pense, ouais, effectivement. Bref, c'est un protectorat britannique, mais il a connu surtout une carrière ahurissante à la tête du groupe Queen, bien sûr, qu'il a fondé avec le guitariste Brian May, le batteur Roger Taylor et un peu plus tard le bassiste John Deacon qui s'est joint à la formation. Bien qu'il s'agisse d'un groupe, Mercury s'est dressé comme le leader naturel de celui-ci grâce à sa voix enchantée, sa voix donc de ténor se rapprochant presque du coloratur. Ça, c'est pour vous donner une idée, c'est entre le ténor et l'alto. Là. C'est entre la voix d'homme maximum et la voix de femme. C'est assez incroyable. Et donc, ce qui est très rare, comme je disais, et pourtant, lui, il parlait avec une voix de baryton quand même assez basse. Donc, il réussissait à aller chercher des registres assez spéciaux. Donc, il a d'abord appelé Smile. Queen est devenu le groupe que nous connaissons en 1970. Il a d'ailleurs commencé, dis-je, à se faire remarquer sur la scène locale. Il signe avec EMI en 1972. Leur premier album homonyme voit le jour en 1973. Et malgré les bons mots du magazine Rolling Stones, il n'arrive pas à se faire classer dans les palmarès. Il s'agit donc d'un premier album très progressif et teinté de métal. Vraiment, on s'inspirait des groupes de l'époque, là, Led Zeppelin, Yes, Genesis et tout. Comment on dit les différents groupes métaux? Effectivement. Ouais. Mais donc, ça fonctionnait pas. Alors, en essayant de limiter les autres, Queen ne réussissait pas nécessairement à faire sa marque. Par contre, Queen 2, en référence à Led Zeppelin, parce que Led Zeppelin 2, Queen 2, donc on essayait de faire, de faire une suite logique à ça, réussit à intéresser le public qui commence à prendre de l'importance à la radio. Le groupe, donc, offre maintenant une musique beaucoup plus avec beaucoup plus d'envolée de guitare mélangée à des éléments de musique baroque et pop. Ils font même une tournée, dis-je, aux États-Unis avec Mott the Hoople. C'est d'ailleurs avec cette pochette de Queen 2 qui a influencé l'apparence du groupe dans le clip de Bohemian Rhapsody. Ouais. Ça, si vous l'avez déjà vu, là, c'est, ils sont tous en placés comme un à côté de l'autre, comme faisant un losange. Un genre de losange, oui. Ouais, un genre de losange à quatre. Donc, le troisième album, celui-ci, Sheer Heart Attack, devient un véritable succès. Le groupe est maintenant plutôt connu en Europe et aux États-Unis. Queen approfondit encore la qualité de sa musique en rajoutant des éléments de vaudeville, de music hall et de musique sud-américaine à ses compositions. On y retrouve aussi bien évidemment les deux piliers du groupe, Brian May à la guitare et Freddie Mercury au chant, vraiment qui ne laissent pas leur place. Et le groupe est véritablement au sommet de son succès lorsque sort l'album A Night at the Opera en 1975. C'est sur cet album que l'on retrouve la pièce la plus connue du groupe qui a connu beaucoup de succès lors de sa sortie, de A Night at the Opera, mais a connu également une seconde vie grâce au film culte d'une génération, Wayne's World. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a

restait un petit peu. Ouais. Donc, Queen avec Bohemian Rhapsody, bien sûr, qui se retrouve sur l'album A Night at the Opera. Cette pièce composée par Freddie Mercury est numéro 1 pendant 9 semaines. Ouais, ça a été un gros hit. Hein? Ouais, ça a été un très gros hit. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que ce hit vous a été présenté par Phénomène qui est dans Assemblage Rocky Chronique. Ce succès est présenté par. C'est ça, exactement. Non, mais version de 7 minutes quelques, ça. 6 minutes à peu près. Ouais. De Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Mais ça toujours comme un cowboy à matin quand je parle anglais. mais sûrement que la version Hit Parade était la version de 3 minutes quelques. Je suis pas certain, non, parce qu'à l'époque, en 1975, c'était encore l'époque où la radio permettait des envolées musicales un peu plus grandes pour les musiciens. C'est par après qu'on est revenu au format de 3 minutes qu'on avait dans les années 60. Ouais. Plus à la fin des années 70, début 80. Et Queen l'a subi, ça, mais on va pouvoir en reparler. Mais c'est pas vraiment non plus une chanson où tu peux te permettre... Non, c'est ça, tu peux pas vraiment... C'est tellement de variations. C'est ça, exactement. Il y a tellement de mouvements et de côtés, de ci et de ça dans cette pièce-là que c'est assez difficile d'en couper des bouts. Je suis sûr qu'ils sont capables de nos jours quand ils jouent. Mais quand même, ça a pris 3 jours pour enregistrer cette pièce-là et la réécrire et changer des bouts. Donc, je pense qu'ils voulaient absolument que ça reste comme c'était à l'époque. Cette pièce-là a aidé beaucoup à mousser les ventes de A Night at the Opera, bien sûr, un des albums les plus chers jamais réalisés à l'époque. On retrouve aussi sur cet album les excellentes pièces You're My Best Friend, Love of My Life, qui est vraiment génial. Si vous n'avez pas entendu cette pièce-là, ça vaut la peine. Et The Prophet Song, dans laquelle Freddie Mercury, lui, s'amuse avec le son stéréo et les échos et les reverbs qu'il peut aller chercher. Là, c'est quand même assez cool. Donc, fort de ce succès, le groupe enchaîne une tournée mondiale et commence à vivre la vraie vie de rockstar, enchaînant fête après fête. Pourtant, malgré cette vie effrénée de tournée, les parties de cocaïne et d'alcool, Freddie Mercury s'avère quand même être quelqu'un de simple et réservé, qui aimait bien dire aux journalistes qu'il faisait simplement son corps de travail lorsqu'il allait sur scène et qu'il rentrait pour aller se coucher après son chiffre, simplement. Pourtant, sa popularité avec les femmes ainsi que les garçons le tiennent éveillé toute la nuit, bien sûr. Il est aussi un grand séducteur, donc ça fonctionnait à 100% pour lui. Il y avait pas mal ce qu'il voulait. Il y avait pas mal ce qu'il voulait à l'époque. Et le groupe a lancé par la suite A Day at the Races. A Day at the Races, oui, bien sûr, c'est ça, A Day at the Races. À la suite logique, bien sûr, de A Night at the Opera. L'album est également un succès monstre en 1976 avec la pièce Somebody to Love. La même année, le groupe donne un concert à Hyde Park dans lequel assiste une audience de 150 000 personnes. Ça, c'est quand même assez beaucoup là, pour vous donner une idée. Là, une autre des grandes performances qui a eu lieu au Hyde Park, c'est le Live 8 en 2005 et il y avait 150 000 personnes. Okay. Donc on a vu les images de ça souvent. Ouais, c'est pas mal full capacité, là, 150 000. Oh. Et donc, Queen est devenu un véritable géant du rock, une royauté musicale. Queen, royauté. Ah, ben Colin, je l'ai pas. Ouais, ouais. On va te couronner ça, toi. En 1977, News of the World arrive en magasin et c'est alors que le groupe enregistre deux de leurs plus grands succès, non pas à cause d'un succès commercial ou critique, mais à cause de leur simplicité et leur facilité à se glisser partout à ces deux petites pièces-là. Et pendant la pièce, François retournera sur le trône. Excuse-moi. Je voulais pas t'offusquer. Non, c'est correct. Trône. Je te pardonne. Pipi caca. Du grand Mathieu Plante. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. my dues. Time after time I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friend. Votre médecin dès aujourd'hui, Viagra. Hein? Excuse-moi. Mathieu Plante. Allô? Ah, OK, là, ça marche. Je vais pas te parler pendant que je faisais ma blague. C'était bien sûr We Will Rock You, suivi de We Are the Champion de Queen, qui s'est retrouvé sur l'album News of the World, dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Rocky, Phénomène où on parle de Freddie Mercury, puisque celui-ci est décédé le 24 novembre 1991. Et donc, là, on est en 1977 avec News of the World, oui, et Queen continue à surfer sur le succès à la fin des années 70 et réussit avec Jazz à rester dans les sommets des palmarès de vente, entre autres avec les succès Bicycle Race, Fat Bottom Girl, ainsi que Don't Stop Me Now. Le groupe s'est même payé une promotion assez audacieuse pour les deux premières pièces. En fait, une cinquantaine de femmes nues se sont promenées pendant quelques minutes autour du stade Wimbledon en vélo. Donc, et il y avait loué les vélos et la compagnie qui a loué les vélos a demandé un remboursement pour toutes les selles des, ben non. des vélos. Ouais. Pour vrai? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il n'y avait comme pas de protection. Ben non, hein? Et donc, au début des années 1980, le groupe change son approche musicale avec l'album The Game. Cet album est le premier du groupe à utiliser des synthétiseurs. Les Anglais, à l'époque, n'aimaient pas beaucoup les synthétiseurs. Il y avait eu des décisions prises, entre autres, par les associations de musiciens d'Angleterre de bannir les synthétiseurs de leurs albums parce que ça coupait de l'argent aux musiciens qui travaillaient en studio. Ils réalisent donc certaines pièces avec les synthétiseurs et la plupart donc des néophytes sont familiers avec certaines de ces pièces de The Game. Il s'agit, entre autres, des succès Another One Bites, Another One Bites the Dust, oui. Plutôt. Ainsi que Crazy Little Thing Called Love. Donc, la première qui est parfaite pour faire de la réanimation cardiaque, ouais, on a ouais, exactement, fait. Oui, t'en parlais. Ouais. Lundi matin, non, c'est un fait d'en parler. Merci de te rappeler de la journée, t'es fort quand même. Écoute, je vous écoute. Je fais ces chroniques-là tous les jours avec 10-15 affaires dedans, puis je me rappelle même pas ce que j'ai parlé à matin. Donc, deux pièces qui sont aux antipodes également, puisque Another One Bites the Dust s'inspire beaucoup du disco qui est en train de mourir à l'époque, et Crazy Little Thing Called Love, qui est une musique rockabilly, vraiment style. On dirait pratiquement, moi j'ai longtemps cru que c'était Elvis qui chantait cette pièce-là, mm-hmm. parce que Freddie Mercury a une voix pratiquement à la Elvis ouais. dans cette chanson-là. Et donc, de plus, son album Greatest Hits, l'album le plus vendu de l'histoire de l'Angleterre, sort la même année et permet donc à Queen de soutenir son style de vie effréné, bien sûr. Sur scène, Freddie Mercury est un véritable dieu. Il contrôle la foule comme s'il s'agissait de marionnettes et chante avec une liberté surprenante. Il est flamboyant et réussit vraiment à captiver son public. Et ce, malgré 5 ou 6 pintes de bière qu'il pouvait s'envoyer derrière la cravate entre deux chansons, pratiquement. Il est vraiment au sommet de son art. Et c'est aussi au début des années 1980 que Freddie opte pour la moustache. Ah. Donc, ce symbole que nous associons avec lui depuis tout ce temps. Est tellement belle, hein? Oui, lui, il avait une vraie moustache incroyable. November, là, personne n'aurait pu l'accoter. Peut-être qu'Ewan paraît qu'il est fourni, là. Mais, ouais, quand même, pas pire, hein? Mais Freddie Mercury, c'était assez incroyable. C'est dur à battre. Moustache qui est d'ailleurs disponible sur son site internet. Oh oui! On peut l'acheter au montant de 3$. Attends, l'acheter pour se la coller sur le... Ouais, ben, en fait, avec des petites pins qui rentrent dans le nez. Pour vrai? Ben, ça a l'air de ça. Ouais, ça a l'air de ça. Okay. Une petite pine de plastique, en tout cas. Ah. Avec les années 1980, Queen ouvre un nouveau pan de sa carrière, beaucoup plus pop qu'auparavant, et pourtant, rien n'empêche le groupe de rester au top, extrêmement populaire donc pendant ce temps. Sur scène et dans la vie, le meilleur semble encore être à venir pour Freddie Mercury, qui mène ses comparses partout dans le monde avec sa voix de feu et son attitude digne d'un prince. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Oh, I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Cette musique-là est tellement effrénée que j'ai failli briser mon ordinateur en échappant la lampe dessus. Ça aurait fait mal, ça. AppleCare là-dessus, toi. Oui, AppleCare. Phew. Non, mais cette chanson-là, Don't Stop Me Now, c'est une des seules chansons, une des chansons qui ressemble le plus à une chanson thème d'émission de télé des années 90. Genre. Oui, hein, c'est jamais été utilisé. C'est tellement effréné, ça a jamais effréné plutôt, ça n'a jamais été utilisé. Google l'a utilisé, par contre, il y a quelques mois de ça pour célébrer l'anniversaire de Freddie Mercury. Il avait fait un doodle animé donc avec la chanson, c'était assez intéressant. J'imagine que vous pourrez le voir sur Google ou sur YouTube, sur les YouTube si vous cherchez. Et donc, bien sûr, Freddie Mercury qui est décédé le 24 novembre 1991, ça fait 20 ans aujourd'hui même, des causes... il est décédé d'une bronchiolite suite à... qu'il a contracté à cause de son sida, bien sûr, puisqu'il était atteint de sida. Il l'avait annoncé le 23 novembre. Il l'avait annoncé juste la veille qu'il était atteint. Et on en reparlera, bien sûr, la semaine prochaine, puisqu'on va voir un peu la fin, justement, de l'histoire de Freddie Mercury et Queen, parce que c'était tellement palpitant que j'avais pas le choix de séparer ça en deux. On est content parce que c'est bon. J'ai tassé une de mes chroniques hier soir à 11h le soir. Oui. J'avais fini d'écrire mon autre chronique et j'ai dit non, je vais parler de Freddie Mercury. Donc, mais est-ce que tu remets celle que tu avais écrite dans deux semaines? Oui, dans deux semaines, oui. Donc on peut annoncer que ça va être sur les cassettes tape. Les mixtapes, les cassettes, la cassette en général. Ça va être incroyable. Ça. C'est assez intéressant comme histoire, un peu. C'est assez cool. J'aimerais inviter d'ailleurs les gens ce soir. Il y a un concours de musique de l'AGE qui est organisé. Je vais l'animer avec l'excellent Mathieu Roy. Ah, pour vrai? Qui lui anime les soirées de la l'huître et qui a animé le concours de poésie. Et on va rendre hommage à Freddie Mercury en début de show. Donc, ça vous tente de voir ça. Intéressant. C'est à quelle heure? C'est à 19h ce soir. OK. À la Chasse Galerie. Ça commence de bonne heure. Ouais, ça commence de bonne heure. Soyez là. Il y a encore des bonnes plages, sûr. Ça va être assez intéressant. Ouais. Hier, on avait Jasmine Raymond Réville. J'aurais pas de l'appeler Justine. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, Jasmine, elle disait qu'elle allait faire sa chanson thème de sa chronique. Aux choses en arrière, mais elle m'a dit plus tard que c'était une blague, mais moi j'étais sûr que c'était vrai. Elle l'avait entendu chanter, Jasmine? Non. Ok. Vous êtes chanceux. Ah ouais? Non, je sais pas, j'ai pas entendu chanter moi non plus. Non. Mais non, je sais pas. Pousse-la. J'ai comme des appréhensions. Ah ouais? Ouais. Ok. Je te demanderai pas plus parce que tu pourrais être insultant envers elle. Ouais, c'est ça. Puis déjà que les BS m'aiment pas beaucoup, j'en ai une qui est de mon bord, fait que. Ah, BES. BES, les étudiants qui sont en enseignement, okay. Ils m'aiment pas j'ai beaucoup. J'ai vraiment entendu les BES m'aiment pas, fait que j'étais comme... Ah, oh, ouais. Mm-hmm. OK, bon. Lisez mes chroniques, vous allez savoir pourquoi. Ouais, non, ça, je lis tes chroniques avec impatience. Non, pour vrai, c'est une des chroniques que je lis en premier. Ah, même merci. Sinon, la première. Merci dans beaucoup. Le campus, ouais. Aux deux semaines. Bon. Mm-hmm. Donc, Simon Fitzbé, on te retrouve à ta prochaine émission. Celle qui est la prochaine, c'est Album Classique. Album Classique, oui. On va peut-être rendre hommage justement à Queen et Freddie Mercury. Ouais. Faut que j'en parle au directeur de la prog. Hein. J'ai pas les mêmes pièces que t'as joué là, quand même? Ben non, ben en tout cas, on verra. Ça sera pas toutes les mêmes pièces. Okay. Bon. Donc, Album Classique demain, vendredi à 10h. Et ça rejoue aussi, mardi après-midi à 14h. Mm-hmm. T'as Catalepsie les lundis soirs à 20h, ton émission musicale thématique. Oui. Quel est ton prochain thème? En fait, ça serait les mythes. Oui, c'est vrai, tu vas repasser des chroniques. Ouais, c'est ça. J'avais pensé faire un petit montage de chroniques du temps de Paul is Dead. On entendrait un petit peu de Kiwan là-dedans. Un petit peu de Kiwan, justement. Ça serait bien, ça guérirait la vie. À l'époque d'Assemblée. C'est-tu en train de dire que François est plate? Là? Non, ben, ouais, un peu insultant, je trouvais. Je te regarde du coin de l'œil. Ben non, mais c'est parce qu'on manque de Kiwan, assez fou. On en a juste les lundis. Puis en plus, il est en direct de l'Alberta. À 7h15 le matin. À 7h15 le matin. Ça veut dire que pour lui, il est quoi? Il est 4h? 5h15. Incroyable. Mais c'est Kiwan, il est là pour son public. Dors pas. Non, c'est fini. Dormir, c'est pour les faibles. Ouais. Donc, oui. Je suis un faible. Ouais, t'es en effet un faible. On est en train de s'éloigner du sujet un peu. Donc, Catalepsie, lundi à 20h. Sergio aussi, ça, les mercredis à 14h. Mm-hmm. Et puis, ça fait pas mal le tour. Hein? Oui, effectivement. On te retrouve jeudi prochain à 8h pour notre chronique Phénomène. Yes. Voilà. Pour l'instant, on prend une petite pause et puis on essaie de laisser le plus de temps possible à François Landry qui s'en vient dans quelques minutes. Donc, restez avec nous. C'est Assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, assemblage requis. 8h40, l'émission, il reste 20 minutes à peine. Excusez, oui? Tantôt, on vient juste de parler de Blonde puis tout, puis j'aimerais souligner, le 24 novembre, c'est l'anniversaire de la mort de Freddie Mercury, mais c'est aussi mon anniversaire de couple, donc je sais pas. J'imagine que ma blonde écoute, là, fait que... je t'aime. T'es courageux, Simon. Ouais, c'est ça. 3 ans de courage. Ou c'est elle qui est courageuse. Ouais, c'est plus elle qui est courageuse, effectivement, parce que elle est tough. Elle fait tough. Ça fait quoi? 3 ans? 3 ans. Ouais. 4, moi, depuis le 15 novembre, toi? Oh! Ça va faire 8 ans bientôt. Félicitations! Ouais, oui. C'est bon. Non, on est des gars fidèles. Non, arrêtez de me regarder, j'ai pas de date. Ok, je sais pas. On parle rarement de sa vie personnelle. Hey, j'ai chaud, là. Sûrement qu'elle écoute en plus. Ah, ouais, on va parler de politique à la place. Voici François Landry et Logocratie sont là. Tout le monde me regarde. Collègue, s'il vous plaît, là. Silence. Collègues, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est en train de faire de notre jeudi, notre seule journée sérieuse, on la transforme en journée comme toutes nos autres journées de frivolité et de... Non, c'était juste un moment. Oh, écoute, okay. Maintenant, c'est la routine qui s'installe, donc c'est certain qu'à un moment donné, ça devient comme toutes les autres journées. C'est ça. Parce que notre jeudi était sérieux, là. On avait une bonne constance d'émission jeudi, là. François, ramène-nous à l'ordre un petit peu en parlant de politique. On va parler des bizarreries caquistes. Oui, Mathieu, parce que... Tout d'abord, bonjour. Hey, bonjour. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Écoute, oui, les bizarreries caquistes. Parce que la semaine dernière, je vous avais parlé de ce nouveau parti politique, ce renouveau en politique québécoise. Mais quand on le regarde attentivement, on se rend compte que... C'est pas fort. Mais ça lève pas non plus, hein? Pas encore. Ben, il y a eu un sondage. On en parlait en fin de chronique. Il y a eu un sondage. Mais il ne fait que baisser. Il peut pas monter. On en avait déjà parlé durant la session que lui, il stagnait à 40 %. Puis là, il a baissé à 35 %. Ouh. C'est pas bon. C'est pas mal. Puis il vient de lancer son parti. Avant, c'était juste un mouvement très incongru, incomplet. Là, c'est un parti politique toujours incongru, bien complet. Bon, il y a espoir. Il a quand même franchi une étape sur 3. Mais je vous avais parlé la semaine passée du fameux logo. Ça ressemblait à un toucan des Froot Loops qui a passé dans un blender. Sam le toucan. Sam le toucan dans le blender, puis ça donnait le logo de la CAQ. Tu sais, toutes les pointes de pizza ou de quelques arpents de piège qui... Ouais. Moi, je le déteste pas. Moi non plus, je le déteste pas. Ouais, hein? On parlera tellement tantôt. Hein? Laisse-le en or, là, toi. Il serait beau pour un logo de quelque chose d'autre que ça, je trouve. Oui, genre la firme d'assurance Capital ou... Non, mais c'est sérieux. Je trouve que ça fait jeune, ça fait... Ben, c'est l'effet escompté, renouveau. Non, je sais pas. Je connais pas grand jeune qui trippe sa CAQ, moi, honnêtement. Non, je trippe pas sa CAQ. Ils vont pas dire ça. Mais le logo, juste le logo, là. Tu sais, ça... Si je l'associe mais si avec tu vois sur un panneau sur l'autoroute, tu vas dire « Ah, c'est la coalition Avenir Québec ou c'est... » Que c'est ça? Non, mais, marque de commerce, la mode, un manteau de futon, je sais pas. Je me dirais que c'est un nouveau parti politique branché. On parlera des partis politiques branchés. Donc oui, le logo qui était bizarre, bon, ça on s'accorde pour dire, à part François qui met son droit de veto là-dessus. Et l'autre affaire aussi, sur la plateforme, je sais que c'est vraiment un détail technique, mais il veut créer une plateforme avant d'écrire un programme. Ça se fait pas en politique, puisque une plateforme, c'est vraiment très précis, un programme, c'est des idées. Donc là, il n'y a pas d'idée, il y aura des idées précises sur un non-idée. Donc, je leur souhaite bonne chance. T'as de l'air suspicieux, mais... C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre pour lui. C'est comme si j'écrivais un article avant même d'avoir eu le sujet. Ça se fait pas. Donc, ça va être de l'incongruité, donc selon les sondages. Est-ce qu'on penche plus vers l'augmentation des tarifs pour les CPE à 10 $, donc ils vont le mettre dans sa plateforme? Alors que dans son programme, c'est pas du tout ça qui est marqué, c'est même pas marqué CPE dans son programme. Donc, on voit le genre. Donc, je leur souhaite bonne chance aux caquistes. Et en parlant de caquistes, autre bizarrerie, le mot caquiste. Ouais. Hein? Ils veulent se faire appeler les coalisés. Mais personne ne les appelle les coalisés. Non, mais puis tu peux pas choisir comment le monde va t'appeler. Même les journalistes sérieux veulent pas les appeler les coalisés. Ouais, ben, à chaque fois qu'ils mettent coalisés, c'est entre guillemets, puisqu'ils mettent à côté les caquistes. Parce que l'acronyme, c'est CAQ. J'ai entendu pour la première fois hier quelqu'un dire, un journaliste dire CAQ, non pas la CAQ. Ah. Donc, ça commence-tu à se transformer? Non. Les caclés? Les caqueux? Mais ça, tu vas appeler le jeu de mots, mais en anglais. Ouais. La CAQ, caquiste et tout ça, tous ces dérivés, c'est une signification dans le slang canadien-anglais assez particulière. Pour? Parce que ça veut dire pissou. Ah! Ouais, chieux, puis sous, mouillé de culotte. C'est pas fine. C'est pas gentil, c'est très péjoratif, le mot caquiste en anglais, du Canada anglais. Ouais. Donc, les journalistes anglophones de la ça Gazette... Ça donne surtout, à cause, ça, ah oui, écoute, c'est un plaisir pour eux autres de les appeler les, justement les pissous, là. Je dirais pas d'autres termes. Ils se vident là-dessus, maintenant. Ils font pas dans leur culotte en rien pour rien. Ils voient jaune. Mais, enfin. Ouais, François Legault, il s'en était pas rendu compte. Quand on l'a entendu parler en anglais aussi la semaine dernière, je pense que c'est normal qu'il était pas au courant. Son anglais est tellement... Pour moi, il était à la même école que Pauline. Ouais, hein, c'est... La même école. Ce gars-là était président d'une grosse entreprise internationale. C'est incroyable. Il y avait sûrement des sous-fifres avec lui. Mm-hmm. Autre bizarrerie, la carte de membre. Ça, là, ça a été ma joie de hebdomadaire. Oui, parce que c'était... Qu'est-ce qu'ils font, là? Habituellement, chaque parti politique vend une carte de membre. Mm-hmm. Habituellement, c'est 5$ pour une année. C'est ça, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est très symbolique, parce que la carte de membre fait dire « J'ai réussi à te convaincre de mes idées, mais en plus, t'ai réussi à te convaincre de me financer. » Donc, c'est une double victoire pour le recruteur. Et aussi, c'est une source de financement très minimale pour un parti politique. Et c'est pour prendre le pouls aussi de... On peut savoir qui a une carte de membre, donc combien de membres on a, combien de gens supportent notre parti. À l'ADQ, il serait environ 12 000. Québec solidaire, il approche le 8 000. Donc, c'est quand même faramineux pour des tiers partis. Si on compare avec Parti libéral, exemple. Parti libéral, on tourne les 90 000. Oui, monsieur. Okay. Et le Parti québécois a chuté. Il était à 150 000, là, 2-3 ans. Et il serait rendu à 50 000. Ah ouais, ça fond comme neige au soleil ou comme du beurre dans une poêle chaude. Quand t'es membre, en fait, d'un parti, tu peux amener tes idées aussi. T'es membre en règle, donc tu peux consulter. Tout comme, je fais une parenthèse pour le nouveau Parti démocratique. Là, il y a un chef qui doit se faire élire prochainement, donc en 2012. Chaque membre va avoir le droit de vote. Un vote. Donc, c'est un membre, un vote. Donc, tu as entre tes mains un choix politique, démocratique pour orienter le parti en lui donnant un nouveau chef. C'est bien. C'est pas juste des délégués. C'est pas juste des délégués, exactement. D'autres partis, ce sont des délégués qui y vont, comme le Parti québécois. C'est plus démocratique, plus hiérarchisé. Donc, ce sont les membres qui se rencontrent dans des assemblées générales ou des rencontres spéciales. Et ensuite, les délégués de circonscription rencontrent les délégués de régionaux. Okay. Et les régionaux s'en vont dans leur propre congrès. Donc, le congrès régional des présidents de région. Donc, il y a 125 délégués à ce congrès-là. Okay. Et il y a aussi le congrès des membres. Okay. Là, c'est tous les membres qui y vont. Donc, ils vont dans des commissions, débattre des idées. Donc, c'est un vote, un membre. Et ça peut orienter les décisions d'un parti. Okay. Par exemple, au dernier congrès du Parti libéral, le Parti libéral voulait, pour les commissions scolaires, un sujet assez délicat. Les abolir, non? Ben, ça autonomiser les commissions scolaires. Donc, c'est Lynn Beauchamp qui a dit ça. On va leur donner plus d'autonomie. Et les délégués rendus là-bas, tu touches pas à ça. Donc, ça a été une rebuffade pour la ministre Beauchamp. Mm-hmm. Parce que les membres ont dit, tu touches pas à ça. Les jeunes dans le Parti libéral ont le tiers des votes en partant. Donc, quoi qu'ils disent, le parti faut qu'ils consultent les jeunes. C'est ça, ils ont le tiers des votes. Donc, eux autres, si les jeunes disent, on veut une commission d'enquête, comme ça a été le cas, le Parti libéral a pas eu le choix de plier. Donc, il y avait une pression énorme parce qu'en congrès, les jeunes, tout en partant, tu as 33% des chances que les jeunes te disent quoi faire. Et est-ce que c'est un des seuls partis qui a autant de jeunes? Parti québécois. La commission jeunesse du Parti québécois est extrêmement forte, mais la proportion de vote n'est pas pareille. Donc, c'est des règles différentes. Donc, c'est les jeunes qui font une recommandation au congrès. Et c'est un vote aussi, un membre, un vote. À Québec solidaire, il n'y a pas de commission jeunesse. Et à l'ADQ, je sais pas, de ce que je sais à l'intérieur, ils veulent pas. Ah. Parce que la moitié des membres de QS sont jeunes. Ils ont moins de 35 ans. Okay. Pour être un jeune dans un parti politique, c'est 18 à 35 ans. Donc la moitié des. La braquette est quand même large. C'est ça. Au Parti libéral, moyenne d'âge est de 60 ans. Parti québécois, une quarantaine, 45. Et Québec solidaire, c'est 18-25 ans la moyenne d'âge. Mm-hmm. Donc, Et toi, en fait, de par ton expérience, est-ce que tu vois que les jeunes s'intéressent plus à la politique ou moins? Ils s'intéressent différemment à la politique. Différemment? Différemment. Pas nécessairement de s'impliquer dans la chose, à part ceux qui sont vraiment politisés, mais ils vont pas nécessairement voter. Mais quand il y a quelque chose qui font pas leur affaire, ils sortent, ils chialent, puis Facebook, c'est un exutoire, mais... Ça a ça de bon, ça propage le message. Avant, il fallait appeler des lignes ouvertes, ce que les jeunes ne faisaient pas. Ouais. Là, aujourd'hui, on écrit sur Internet, Twitter, Facebook, et là, les journalistes commencent à prendre le pouls des jeunes. Les indignés partout dans le monde c'est un phénomène de Twitter, Facebook à la base pour propager l'événement, donc pour lancer les messages, contrecarrer l'argumentaire de la droite. Donc, les jeunes se politisent, mais différemment. Mais j'ai de la misère, moi, avec ça, avec les gens qui chialent et qui vont pas voter. Je trouve ça... C'est pareil comme les lignes ouvertes. Anime une ligne ouverte, s'ils rouvrent les micros, puis le monde vont chialer, puis tu vas leur dire « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites? Je te l'ai voté. » OK, tant mieux. Ils font rien d'autre. Mais c'est important. C'est une autre forme. Une autre forme de contestation. Mm-hmm. Pour revenir à la coalition Avenir Québec, oui, la carte de membre, elle est gratuite. Donc, ça fait dire que moi, je pourrais être membre là, gratuitement. Oui, oui. Je vais lancer un test un matin. Je fais juste pour voir le baromètre de la CAQ. À tous les auditeurs d'Assemblage requis, allez vous inscrire. C'est gratuit. Vous allez sur le site. Vous devenez membre. Est-ce qu'on peut voter contre le chef? Oui. Oui. on voit ta stratégie. Donc, oui. J'aimerais devenir membre. Je réfléchirai à ça. Oui. Juste pour être invité au congrès. Mais est-ce que tu peux être membre de plusieurs partis? Ça dépend des partis. Faut que tu lises les petits caractères en caractère 2, 3. Il y a certains partis comme... Est-ce qu'ils vérifient? Faut qu'il y ait une dénonciation. Mais le problème, moi, que je vois avec ça, avec les cartes gratuites, c'est qu'ils pourraient se permettre... Ils pourraient comme inscrire tout le monde s'ils veulent. C'est gratuit. Il y a juste besoin d'une adresse courriel. Il y a deux effets pervers à ça, à ce que ça soit gratuit. D'un, tout le monde peut s'inscrire, donc tout le monde peut noyauter une assemblée, un congrès pour faire changer les choses. Est-ce qu'ils ont une barrière de sécurité pour ça? Je ne sais pas. Et l'autre affaire, c'est les coordonnées. Ils vont se ramasser une banque hallucinante de coordonnées. Mm-hmm. Donc, ils vont pouvoir faire leur propagande. Ça, encore là, j'ai aucun problème. Si tu donnes tes coordonnées, c'est correct. Mais ces coordonnées-là peuvent être vendues. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de règles qui régissent ça. Okay. C'est comme ça qu'ils vont se financer. Parce qu'habituellement, c'est entre 10 et 25 cents la coordonnée. Donc, si tu as 5 000 membres, tu vends 125 cents. C'est pas beaucoup, on s'entend. Mais c'est un danger, c'est une dérive que moi, m'effraie. Quand c'est des cartes de membres dûment payées, c'est confidentiel, c'est secret. Donc, si tu es membre d'un parti politique, je peux même pas le savoir, même si je fais une demande pour savoir François-Olivier, es-tu membre du Parti communiste? Je le saurais jamais. Non, ça. Okay. Juste le DGEQ, le directeur général des élections, le sait que tu es membre et ton parti politique. Okay. Effectivement. Et ça démontre une certaine volonté aussi du fait que tu sors de l'argent de tes poches. Oui. Donc, c'est très symbolique. Mais. Ce qui est comique, c'est que la CAQ est le deuxième parti au Québec à faire ça. C'est pas la première, non. Ils n'ont pas l'exclusivité. En 2010, la Nouvelle Alliance Québec-Canada. Ooh. C'est un parti politique dûment enregistré. Lui aussi, c'est gratuit. Bon, on voit que je me rappelle pas d'avoir vu ça quelque part. Il devait y avoir 6 candidats seulement au Québec. Et autre bizarrerie, l'investiture. Donc, tu veux devenir candidat dans Trois-Rivières. Mathieu dans Masquinongé, puis Simon dans... laissez Simon dans Masquinongé, il va traiter avec Ruth-Hélène Brousseau. Et Mathieu dans Champlain ou La Violette, là-dessus, que tu sais, bon... T'es... Tu vas toutes les prendre. Mais, habituellement, l'investiture, c'est ton association de circonscription qui vote, qui t'élit ou qui te nomme s'il n'y a pas de compétition. Mais là, c'est François Legault qui va dire... Mathieu va dire, moi, je veux être dans Champlain. Donne-moi ton CV... Je vais regarder ça, puis je vais décider si tu es candidat. Il a le droit de veto là-dessus? Il se réserve le droit de sélectionner ses candidats. Je peux le comprendre. Parce qu'on se rappelle tous en 2007, et même avec le NPD, malheureusement, au Québec, au mois de mai dernier, il y a eu des candidats douteux qui se sont fait élire. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds au Parlement, ceux qui ne savent même pas la différence entre la gauche et la droite entre Québec et Ottawa, il y en a des députés de l'ADQ, tu leur demandais « C'est qui ton chef? » C'est pas le Marois. Ouais. OK. Puis il y a un gars de je pense, 18 ans, 18, 19 ans qui s'était fait élire dans le coin de Sherbrooke. Ouais, ben il est député à Ottawa, mais LP, c'est qu'il fait une très belle job. Ah ouais? Je le vois aller. Ça peut arriver. C'est ça. Donc, je trouvais ça jeune un peu, mais. Ben, 18 ans, c'est l'âge légal pour voter. Non, je sais, mais tu sais, de l'expérience. Oui, tout à fait. Mais de par le système douteux de la CAQ pour ses cartes de membre, il y a déjà des plaisantins qui se sont amusés à tenter de craquer le site Internet et ils ont réussi. Imaginez-vous donc que notre cher Tony Tomassi, on se souvient de ce libéral déchu qui est avec les enveloppes brunes, puis bon, tout ça, donc il s'est fait expulser du caucus et est maintenant membre de la CAQ. Ben non. Ben oui, monsieur. Mais c'est pas lui, là. C'est inscrit son nom, puis donc il figure sur la liste officielle. Wow. Il y a aussi un bichon maltais. Tu sais, les tout petits chiens, là. Bon. Baby Maltais, c'est son nom, ça? Qui est sur... Oui, ben, Bichon Maltais, si tu cliques sur Google ou YouTube, il a fait la une de Denis Lévesque. Tu sais, l'émission de télé, là? Le show-off de fin de soirée, ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Il est bon, lui, hein? C'est drôle, en tout cas, il est drôle. Oh, vous auriez dû voir la face à France de la rue. C'est de la grande éthique, là. Écoute, il y a aussi Plante la Tulipe et L'Innocent. Qui sont membres. Wow! Hey, ça fait Simpson, là, tu sais, quand ils appellent. Chez Mo. Chez Mo. C'est ça, ça des jeux de mots. Ça doit être ça. Mais ça, c'est sans rappeler le fameux dictateur africain du. Omar oui. Bongo, Omar qui avait Bongo. Semé la cisanie dans l'ADQ en 2009, quand il avait voté pour Gilles Taillon à la chefferie. Ça, c'est un jeu de mots? Non. Excuse-moi. Ok. Je l'ai pas caché, tu me l'as expliqué tantôt. Non, c'est pas grave. Mais on suivait qu'à la chefferie de l'ADQ, Gilles Taillon avait gagné de par deux votes contre Éric Kerr pour devenir chef de l'ADQ. Et un de ces deux votes-là était Omar Bongo. Donc, un pur dictateur mort, il était mort, là, africain. Et lui, avait... Qui avait voté, donc on avait retiré ce vote-là quand on s'en était rendu compte. C'était Infoman, entre autres, qui avait fait ça. Donc là, Gilles Taillon avait gagné de par un vote. Donc, on a fait éclater l'ADQ à la suite de ça. Lui, il avait démissionné. Éric Kerr et Marc-Picard ont quitté le caucus. Donc, c'était la saga. Le début de la fin. Ouais. C'est pas fini encore. C'était la fin de la fin, d'après moi. C'était le dernier chapitre. Donc, si le temps me permet, oui, je regarde là. Il me reste juste le sondage. On parlait, est-ce que ça monte, ça descend? Écoute, il y a eu un sondage qui a paru lundi, fait par Léger Marketing, donc Léger Mise en Marché, la firme de sondage. La CAQ, 35%. Des intentions de vote? Des intentions de vote, si maintenant qu'il est un parti politique. OK. Le Parti libéral, 22%. Donc, on voit l'écart est quand même faramineuse. Et le Parti québécois, 21%. Okay. Donc, la CAQ fait Pauline, du tort. Pauline, elle remonte un peu ou... Elle stagne. Elle peut pas vraiment descendre plus bas. J'y souhaite pas pour elle. Elle a beau se battre comme un démon dans l'eau bénite. Là, ça descend en bas de ça. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Honnêtement, là, je m'inquiète pour elle, pour Pauline. Moi, je l'aime, Pauline. Sa santé aussi, personnellement. Ça peut être dangereux. Son nom, juste son nom. Ouais, mais son nom est pas mal. Ouais, j'ai peur de voir sa biographie plus tard. Et l'ADQ et Québec solidaire à égalité à 8%. Eux autres, c'est stable. T'sais, ça joue, ça monte à 11, ça redescend à 7. Donc, moyenne de 7 à 11, ils jouent là-dedans. Pauvre Gérard. Pas où Gérard. Ben oui. Mais ben là, Gérard et la CAQ qui sont en négociation informelle. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Hein? Ils se relancent dans les médias. C'est on verra, comme il disait. On verra. Ouais. I will see en anglais. Donc, c'était la même traduction I will see. Et là, donc, excusez-moi, la CAQ 35%, il ne peut que baisser parce qu'il avait parti à 40% du temps qu'il était un mouvement. Mais plus on connaît son non-programme, plus on connaît son parti, plus on va dénoter des bizarreries caquistes. Plus il va baisser. Et ça, Jean Charest, vous le savez à quel point j'aime Jean Charest pour l'être stratège qu'il est, il va attendre. Les élections, là, j'ai encore un an et demi pour les déclencher. Oui. Puis en fait, tout le monde se bat contre la CAQ. C'est l'ennemi numéro un, c'est l'ennemi à battre. On va tout vouloir, dès qu'il va lever une lèvre pour prononcer un mot, on va être tout oui. Pauline va l'attaquer. Gérard, Amir, Pauline, tout le monde. Même les journalistes, ils vont épier faits et gestes de la CAQ, tous les candidats. Donc, il ne peut que baisser. Parce que dans le sondage, on demandait aux gens, pourquoi voulez-vous voter pour François Legault? C'était pour le changement. Changement, okay. Est-ce que vous aimez François Legault? Pas tant que ça. Ça pourrait être une plante verte, ça aurait fait la même job. Non, c'est ça. C'est ça. Ça peut être la plante, la tulipe là, de madame tantôt. Ben de, du pas de mon nom, toi. L'innocent. Non, toi, c'est tout zigné en plante. Toi, c'est pas pareil. Merci de le dire en passant. Mais, et on demandait, est-ce que c'est pour le programme? 9% c'était pour le programme qui ont voté pour ça. Et 3% pour ses priorités dans son programme. Pas encore là, mais je m'excuse, mais donc, tu peux pas voter pour le programme quand tu l'as. Son programme, c'était ses idées, ses quatre idées envoyées en l'air. Non, mais c'est pas un programme. Et aussi, ce que les gens reprochent le plus à la CAQ, à forte, pas à majorité, puisque c'est, dans un sondage, c'est très dur d'avoir la majorité, mais le plus fort taux, c'était son ambiguïté. On veut faire du ménage, mais on n'aime pas trop ce que propose Legault parce qu'on ne sait pas ce qu'il propose. Donc, Legault ne serait qu'une saveur du mois au Tim Hortons, hein? Pour revenir là-dessus. Donc, ça se pourrait que dans les prochains mois, plus il va préciser son programme, plus ça va devenir ambigu pour les gens. Peut-être que les gens vont réaliser, finalement, c'est pas ça que j'aime parce que Legault est tout aussi vieux que les autres. Donc, j'aime pas trop ça. Donc, c'est le jeu de Jean Charest. D'attendre. Donc, les rumeurs donneraient au mois de mars les élections. mais il y a jusqu'à en mars 2013 pour les faire. Ben, mars à avril 2013 pour les faire. Et en même temps, lui, on n'entend plus parler. C'est ça. Pendant qu'on s'occupe de la CAQ, on laisse tomber les libéraux. Donc, ça fait son affaire. Ce fin stratège. Il est fort, Jean Charest. Honnêtement, là, j'aimerais me faire inviter par lui pour... discuter. Tout, sauf... tout, en tout cas, ouais. Ben, écoute, je veux pas qu'il m'invite, finalement. Je veux pas qu'il m'invite. Je vais laisser les. Sinon, une enveloppe remplie d'argent. Là. Ouais, une enveloppe blanche, ça sera pas brune comme ça. Ça va être légal. Hey, merci. Oui, beaucoup. Mathieu. Oui, merci. Ça fait plaisir. Ouais. J'aime la référence à Tim Hortons, parce que t'as réussi à entrer subtilement dans la chronique. C'était le jeu, le défi de la chronique. C'est The Defy of the Chronics. Yes. Balingo. Ben oui, yes. Yes, you do. Ils retire leur affiche, hein? Ouais, easy because, peasy. We have party plainte. We are the champions. Ouais, vendredi, ça a été très actif, hein, ça. Il y a eu un étudiant qui a porté plainte directement à Sodexo. Il y en a qui ont écrit à l'Office de la langue française. Là, on va mettre en contexte les gens qui n'ont pas entendu la nouvelle. Ouais, là, on parle du Tim Hortons ici à l'université. Il y avait une pancarte bilingue, en anglais en premier, de la même grandeur que le français, etc. Donc, c'était à peu près la discussion qu'il y avait. Puis, tu dis qu'il y a eu une plainte à l'Office de langue française. Ouais, il y a même un étudiant qui a eu le courage d'aller directement dans les bureaux de Sodexo. Il est allé se plaindre au Tim Hortons. On l'a renvoyé au bureau. Et il y a aussi une autre station de radio qui en a parlé, mais eux autres n'ont pas besoin d'en quelconque, parler. Quelconque, là, ouais, une radio ouais. Quelconque. Il y en a plusieurs, choisissez-la. Mm-hmm. Bon. Nous, on n'est pas très quelconque, on a une bonne programmation qui s'en vient pour vous aujourd'hui. Donc, restez sur nos ondes dans quelques minutes, c'est la sécheuse. Ensuite, à 10h, je serai de retour avec CNX.zip qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. À 11h, Danny Janvier sera là pour le Dîner de con. Une très bonne émission. Et bien sûr, c'est jeudi, donc... Donc, quoi? Chronique de bière. La chronique de bière, ben oui. Ben oui, certainement. Comment oublier la chronique de Choulon, toi? La bière. Ben oui, de bière. La bonne bière. C'est bon, cette chronique-là. Ils, ouais. Oui, ben sont... ça a l'air bon. Oui, c'est ils sont connaisseurs. Ils sont très, très connaisseurs, oh, ouais, ça paraît. Et voilà. Un peu comme nous avec notre chronique de thé lundi. Mm-hmm. Nous, on connaît rien, mais Xavier, lui, nous en a ouais, il en connaît beaucoup, Xavier. C'est ça. Après Dîner de con, ce sera 6 degrés avec Kim Bergeron. Je reviendrai encore une fois, jamais assez, avec les Palmeurs assez fous entre 14h et 17h, avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et Justine Renaud. Aujourd'hui, oh. Avec sa chronique évidemment, n'importe quoi, n'importe quoi. Tu vas être capable de faire une émission avec Justine? T'as pas peur que tu perdes le contrôle? Non, ça c'est Jasmine. Tu vois, toi aussi, t'es mêlé. Non, arrête, Justine, tu es capable de... Tu connais Justine Renaud? Ben ouais, j'ai déjà vu. Ah, eh ben, le monde est petit, hein. Tout le monde se connaît. C'est elle qui a la même coupe de cheveux que Justin Bieber. Exactement, on l'appelle Justine Bieber, voilà. Donc ça, c'est entre 14h et 17h, puis la sécheuse. La Spirale sera là avec 18h avec Mathieu Leblanc-Houle. En soirée, c'est Sky Panka à 19h et Le Lobby avec de la musique électronique à partir de 21h. On se retrouve lundi matin à 7h. François-Olivier. Merci, Mathieu. Merci à toi. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine toi aussi. Merci. Ben oui, merci Simon. Merci, messieurs. Bonne merci fin de semaine Simon. Merci François. Merci François Landry. Merci à Sophie. De oui. Monsieur Reptile. Ben oui, tout à fait. Merci à France Arsenault. Oui, qui nous a parlé de la musique silencieuse. On rappelle que c'est demain à 20h au Centre culturel Pauline Julien. Au Cap de la Madeleine, bien sûr. On se quitte avec Gatineau et la pièce. Attention, c'est la pièce Control. Bonne fête, semaine. Bye. Bye bye. Impossible de prévoir mes réactions en amont. Me démène de perdre des misères contre mes démons. Cherche toujours à être compris sans devoir m'expliquer. À pouvoir me défendre sans même devoir répliquer. Car qu'on m'insulte souvent, mais c'est une réponse. Mais chante quand même, car moi, qu'après l'attention au monde. Quand je prends une aire en premier, puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier, puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier, puis qu'après je penche. Quand j'agis sous l'impulsion, puis qu'après je tranche. Quand je prends une aire en premier, puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier, puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier, puis qu'après je penche. Quand j'agis sous l'impulsion, puis qu'après je tranche. Sans jamais vraiment vouloir me rendre. Attaquer l'autre en prétextant devoir me défendre. Tout détruire en pensant pouvoir renaître de mes cendres. Me suis débattu 20 fois pour pouvoir me déprendre. Perdu l'estime de moi jusqu'à vouloir me perdre. Je joue au dur mais j'aspire tant à étendre encore.